إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc ceci est le septième cours des cours tirés du livre تبصير الناسك بأحكام المناسك du Cheikh عبد المحسن ابن محمد العباد حفظه الله تعالى. Hier on a terminé d'énumérer les interdits de l'ihram qui sont au total au nombre de 9. Hier, on a cité le sixième qui est l'interdiction de tuer le gibier terrestre. تحريم قتل صيد البر. Le septième interdit de l'ihram est le fait de contracter un contrat de mariage, de contracter un contrat de mariage, de se marier, que ce soit se marier ou marier la femme qui est sous notre tutelle. Et le huitième et neuvième interdiction, ou la huitième et neuvième interdiction parmi les interdictions de l'ihram, qui est le rapport intime et tout ce qui le précède. ثم قال المؤلف حفظه الله صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. اسمح لي أخي. تشبه غير الفنادق. صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر. ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم. نعم. Donc il dit, hafizahullah, la description générale et particulière et détaillée de la Umra et du Hajj. Donc il cite tout d'abord de façon brève et concise la description de la Umra, puis la description du Hajj, et ensuite il détaille c'est le déroulement de ces deux rites. La Umra, de façon générale, a lieu en faisant l'ihram, en entrant en état de sacralisation depuis le miqat, en faisant les tournées autour de la Kaaba, le tawaf, et en faisant ensuite le sa'i, les allées-venues entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Puis ensuite, de raser ou de raccourcir les cheveux, et concernant l'ihram des gens de la Mecque, pour accomplir une umrah, eh bien l'ihram se fait à l'extérieur de la terre sacrée. Les habitants de la Mecque qui veulent accomplir une umrah doivent sortir à l'extérieur de la terre sacrée, faire l'ihram et rentrer de nouveau. Et ici, une parenthèse, ou une faïda concernant le fait de raser les cheveux ou de les raccourcir concernant le mu'tamir. S'il fait la umra seul, notamment en dehors des mois du pèlerinage, alors le mieux, comme on l'a vu dans les cours précédents, est qu'il rase ses cheveux. L'homme, pour lui, le mieux est de raser ses cheveux. S'il fait le tamattu', il fait la umra entièrement, puis il attend le huitième jour de Dhul-Hijjah pour accomplir le pèlerinage. Si le délai entre la umra et le hajj est très court, de telle sorte que s'il était amené à se raser les cheveux après la umra, que ses cheveux n'auraient pas le temps de pousser assez pour qu'il puisse les raser au moment du Hajj, notamment le dixième jour, notamment le jour de l'Aïd. Alors dans ce cas, le mieux pour lui est de raccourcir ses cheveux au moment de la Umra pour pouvoir les raser au moment du pèlerinage. Donc tout dépend du laps de temps. Et ce laps de temps n'est pas défini de façon précise car il diffère en fonction des personnes. Et des personnes pour lesquelles les cheveux poussent beaucoup plus rapidement que d'autres. وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة ولهما أن يؤخر السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ويرمي جمرة العقبة يوم العيد وينحر هديه إن كان عليه هدي ويحلق رأسه أو يقصره ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط. Concernant la description du pèlerinage de façon brève et générale, celui qui ne se trouve pas, qui n'habite pas à la Mecque et qui ne se trouve pas à la Mecque, doit faire l'ihram pour le pèlerinage depuis l'une des cinq délimitations terrestres qu'a défini le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, appelé elle, en arabe, elle, mawaqit. Donc, le pèlerin doit faire le miqat, doit faire l'ihram depuis l'un des miqat. Quant aux gens de la Mecque, ceux qui habitent à la Mecque, et ceux qui ne sont pas en état de sacralisation et qui sont présents à la Mecque sans pourtant faire partie de ses habitants. Sans pour autant faire partie de ses habitants, notamment ici, on peut donner l'exemple du mutamattir. Le mutamattir qui a accompli sa umra. Ensuite, il reste à la Mecque. Il se désacralise, donc dès qu'il a accompli sa umrah, il est désacralisé, il n'est plus en état de sacralisation, et il attend le huitième jour de Dhul-Hijjah. Donc lui, il n'est pas en état de sacralisation, il ne fait pas partie des habitants de la Mecque, mais il se trouve à la Mecque à ce moment-là. Dans ce cas, lui aussi, il fait l'ihram depuis Mecca. Donc les habitants de la Mecque et ceux qui se trouvent à la Mecque, Même s'ils ne font pas partie de ses habitants qui ne sont pas en état de sacralisation, font l'ihram depuis la Mecque. Ensuite, le qarin et le mufrid. Le qarin, celui qui réunit entre la umra et le hajj. Et le mufrid, celui qui accomplit le hajj tout seul. Eux font ce qui est appelé tawaf al-qudum. Tawaf al-Qudum qui est le premier tawaf qu'ils font lorsqu'ils arrivent à la Mecque. Et ce tawaf, quel est son jugement concernant le qarin et le mufrid? Il est obligatoire, surérogatoire? Pour le mufrid et pour le qarin, tawaf al-Qudum est mustahab. Il est mustahab. Il est recommandé pour lui. Ensuite, le Mufrid et le Qarin font le Sa'i entre As-Safa et Al-Marwa. Et ce Sa'i qu'ils accomplissent est le Sa'i du Hajj. C'est le Sa'i obligatoire. Et ils ont le choix, ils ont la possibilité, s'ils le veulent, de retarder ce Sa'i entre As-Safa et Al-Marwa après tawaf al-ifada, après le tawaf du hajj, le tawaf obligatoire, qui lui a lieu le jour de l'Eid, le dixième jour de Dhul-Hijjah. Ensuite, les pèlerins tous les pèlerins sont le huitième jour et la neuvième nuit de Dhul-Hijja, il se trouve à Mina. Donc le huitième jour, les pèlerins vont à Mina et ils passent la nuit là-bas. Laylat al-Tasi', la nuit du neuvième jour, on a dit toujours que les nuits précèdent le jour. Si on dit la neuvième nuit, c'est-à-dire le soir du huitième jour. Le soir du huitième jour. Donc, les pèlerins restent toute la journée, le huitième jour de Dhul-Hijja, ils y restent toute la journée et ils passent la nuit là-bas. Puis le pèlerin se rend à Arafat. Ceci a lieu le neuvième jour. Ensuite, il passe la nuit à Al-Muzdalifah. Donc ici, c'est la nuit du dixième jour. Autrement dit, c'est le neuf au soir. Puis, il lapide la grande stèle le jour de l'Eid. De même qu'il sacrifie son hadi, si il fait partie de ceux qui doivent sacrifier un hadi. Et parmi les trois formes de rite que sont Al-Qiran, Al-Ifrad et Al-Tamattu', lesquels doivent sacrifier un hadi? Le Qarin et le Mutamatti'. Quant au Mufrid, celui qui accomplit le pèlerinage tout seul, il n'a pas de bête à sacrifier. Ou pour être plus précis, il ne lui est pas obligatoire de sacrifier un hadi. Puis, il rase ses cheveux ou les raccourcit. Après la nuit de Muzdalifa, donc dès qu'il passe la nuit à Muzdalifa, le dixième jour, le jour de l'Eid, eh bien, il lapide la grande stèle. Ensuite, il sacrifie le hadi, si le hadi est obligatoire pour lui. Ensuite, il rase ses cheveux ou les raccourcit. Puis, il accomplit le tawaf al-ifada, le tawaf du hajj. Et on a dit que le tawaf al-ifada, c'est un pilier du pèlerinage. Ensuite, il accomplit le sa'i, les allées-venues entre As-Safa et Al-Marwa, s'il est mutamatti', il doit accomplir le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa. De même pour le Qarin et le Mufrid. Le Qarin, celui qui fait la Umrah et le Hajj ensemble, et le Mufrid, celui qui accomplit le pèlerinage tout seul, ils font également le sa'i s'ils ne l'ont pas fait après le tawaf al-Qudum. Donc s'ils l'ont fait après le tawaf al-Qudum, qui est le premier tawaf qu'ils ont fait lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, alors ils n'auront pas de sa'i à faire le jour de l'Eid. S'ils ne l'ont pas fait après tawaf al-Qudum, alors ils le feront après le tawaf de l'Ifada. Puis le pèlerin passe les nuits de Ayyam al-Tashriq, les trois nuits des jours de At-Tashriq. Et les jours de Tashriq sont le 11e, 12e et 13e jour des jours de At-Tashriq. Et donc la première nuit des nuits de At-Tashriq, des jours de Tashriq, sont... La première nuit, c'est laquelle? C'est le soir du 10e jour. Donc il reste il passe la nuit à Mina, le soir du 10e jour, le soir du 11e jour et le soir du 12e jour. Et pendant ces trois jours de At-Tashriq, eh bien, il lapide les trois stèles après le Zawal, après que le soleil ait dépassé le zénith. Autrement dit, après l'entrée de l'heure de Dhuhr. Puis, le pèlerin accomplit le tawaf d'adieu lorsqu'il veut quitter la Mecque en accomplissant le tawaf qui est constitué de sept tours autour de la Kaaba. Concernant les jours, les actes du jour de l'Eid, comme les a cités Cheikh Al-Abbad, donc c'est d'abord lapider la grande stèle, ensuite sacrifier الهدي ensuite raser ou raccourcir ses cheveux et ensuite faire le tawaf. C'est ce qui c'est l'ordre ou c'est le naam l'ordre qui est le mieux à faire et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et pour se rappeler le un moyen mnémotechnique, c'est le terme ranhat. Ranhat. Ra nun ha ta. Ra comme rami. Ha comme halq. Nun comme nahr. Afwan. Ranhat. Ra comme rami. Nun comme nahr. Ha comme halq. Et ta comme tawaf. ثم قال حفظه الله وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي. Quant aux détails concernant les rites de la Umra et du pèlerinage, ils sont comme suit. Donc c'est là où Cheikh Al-Abbad حفظه الله va rentrer dans les détails de plusieurs sujets concernant la Umra et le Hajj. الاستعداد للإحرام إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالطائرة أو بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفره شيئا لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه مسلم ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر لأن ذلك واجب من واجبات العمرة فإذا مر بالميقات أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا نوى الدخول في النسك الذي يريده من عمرة أو حج أو حج وعمرة وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بيلملم فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام منه ولمن كان سفره بالطائرة أن يستعد للإحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده ثم يحرم إذا حاذ الميقات أو قرب منه. Il dit, hafidhahullah, concernant les actes qui font partie de la préparation à l'ihram. Donc ici, le cheikh commence par le début, lorsque l'on se prépare à rentrer en état de sacralisation. Et ceci concerne à la fois l'état de sacralisation pour la umra seule ou pour la umra et le pèlerinage ou pour le pèlerinage. Il dit, hafidhahullah, lorsque le musulman veut accomplir la umra ou le pèlerinage ou le hajj et que son voyage a lieu en avion ou en voiture depuis un endroit proche des mawaqit, comme Médine par exemple, alors il lui est possible de se préparer à entrer en état d'ihram depuis sa demeure. Donc ici, les habitants de Médine qui vont voyager à la Mecque pour accomplir la Umra ou le Hajj. Le miqat des gens de Médine est proche de Médine. Il est à peu près à 13 km de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'ils comptent voyager à la Mecque, que ce soit en avion ou en voiture, il leur est possible de se préparer pour entrer en état de sacralisation depuis leur maison. Comment se préparer le pèlerin ou celui qui veut accomplir la Umrah? Coupera ses ongles, il raccourcira sa moustache, il rasera son pubis et épilera ses aisselles. De même qu'il se lavera, il accomplira l'irtissel pour l'état de sacralisation. Il se parfumera, et on a dit que cela concerne uniquement l'homme, et qu'il se parfume la tête et les mains. Et ensuite, il se revêtit du vêtement de l'ihram qui est al-izar et al-rida. Al-izar qui recouvre la partie basse du corps et al-rida qui recouvre la partie haute du corps. Puis il dit, hafizahullah, et lorsque l'ihram, lorsque la personne entre en état de sacralisation, dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, lorsque les 10 premiers jours sont entrés, lorsqu'il est entré dans le mois de Dhul-Hijjah, et qu'il a l'intention de sacrifier, et qu'il a l'intention de sacrifier Al-Udhiyah, qui est le sacrifice de l'Eid. Alors, dans ce cas-là, il ne coupera pas ses cheveux, ni rasera ses aisselles, son pubis, ni s'épilera ses aisselles, et également il ne se coupera pas les ongles. La preuve est le hadith de Umm Salama, radiallahu anha, qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque vous voyez le croissant de lune du mois de Dhul-Hijjah, et que l'un d'entre vous souhaite sacrifier Al-Udhiyah, alors qu'il s'abstienne de toucher à ses cheveux et à ses ongles. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Donc ce jugement concerne celui qui a l'intention d'accomplir le pèlerinage ou la Umrah comme celui qui n'a pas l'intention, comme celui qui se trouve dans un autre pays et qui n'a pas l'intention cette année-là d'accomplir le Hajj et la Umrah, eh bien ce hadith le concerne également. Et cette interdiction ne concerne pas le fait de raccourcir ses cheveux ou de les raser lorsque la Umrah est accomplie. Une personne qui accomplit la Umrah le 3 de Dhul-Hijjah, il est à Médine. Il fait, par exemple, le tamattu'. D'accord ? Donc, le tamattu', il fait d'abord sa Umrah. On est le 3 de Dhul-Hijjah. On est rentré dans les 10 premiers jours. Ici, pour se préparer à l'Ihram, il pourra se parfumer. Il pourra se laver, bien sûr, mais il ne pourra pas tailler sa moustache, ni raser son pubis, ni s'épiler ses aisselles. Ceci s'il a l'intention de sacrifier Al-Udhiyah. Une fois arrivé à la Mecque, il fera le tawaf, le sa'i. Et ensuite, le mu'tamid, qu'est-ce qu'il fait après le tawaf et le sa'i? Il se rase les cheveux ou se les raccourcit, alors qu'il est dans les 10 premiers jours. Cela est une exception et cette interdiction ne s'applique pas à lui, car cela fait partie des obligations de la Umrah. On avait dit que les obligations de la Umrah étaient de... Les obligations sont de deux. Al-ihram min al-miqat wa al-halq aw al-taqsir. On a dit que les obligations de la Umrah sont au nombre de deux. Le fait d'entrer en état de sacralisation depuis le miqat et de se raser ou de se raccourcir. Donc, de se raser ou de se raccourcir les cheveux est une obligation. Ainsi, cette interdiction de couper ou raser ses cheveux, notamment pendant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, ne s'applique pas à celui qui accomplit la Umrah pendant cette période. Lorsque le pèlerin ou le mu'tamir passe au niveau du miqat. Donc ceci, par exemple, lorsqu'il passe au niveau du miqat, par exemple, de Dhul-Hulayfa. Lorsque l'on vient de Médine et que l'on se rend à la Mecque, on passe par le miqat. Donc on se rend à l'endroit même du miqat. Donc celui qui se rend à l'endroit même du miqat, ou celui qui passe à proximité, que ce soit dans les airs, ou sur terre, ou en mer, il doit avoir l'intention d'entrer dans le rite qu'il souhaite accomplir, que ce soit une umrah, ou bien un pèlerinage, ou bien un pèlerinage et une umrah. Donc ici, le cheikh avait donné l'exemple au début de celui qui part d'un endroit proche du miqat. Quant à ceux qui viennent d'un endroit éloigné du miqat, comme par exemple un yéménite qui part du Yémen et qui passera par le miqat de Yalamlam. Le miqat de Yalam est loin. Il est éloigné. Celui qui vient du Yémen, il devra faire un voyage, tout dépend d'où il part, mais un voyage compris entre une bonne demi-journée, voire une journée entière. Alors dans ce cas, il se rendra au miqat de Yalamlam et se préparera à l'entrée entrer dans l'état de sacralisation depuis le miqat. Depuis le miqat, il se lavera et prendra ce qu'il a besoin de prendre, comme raser le pubis ou autre, ou couper ses ongles. Ensuite, il se revêtira des vêtements de l'ihram, que sont al-izar et al-rida, puis il entrera en état de sacralisation depuis ce miqat, notamment de Yalamlam. Quant à celui qui voyage qui se rend à la Mecque en partant d'un pays lointain et qui voyage en avion, eh bien, il peut se préparer à l'ihram, à entrer en état de sacralisation et se laver et même porter les vêtements de l'ihram depuis son pays. Puis, lorsqu'il volera à proximité du miqat, eh bien, il entrera en état de sacralisation. ثم قال حفظه الله الإحرام أولا الإحرام هو نية الدخول في النسك ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام وإنما هو استعداد للإحرام فينوي بقلبه النسك الذي يريده فإن أراد التمتع نوى عمره وإن أراد الإفراد نوى حج وإن أراد القران نوى حج وعمره وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حذاه برا أو جوا أو بحرا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة وأما إذا مر به أو حذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة ولا علاقة لهذه العمرة بالحج. Il donne des détails, hafidhahullah ta'ala, sur l'ihram. Donc après avoir parlé des choses qui sont faites en guise de préparation pour l'état de sacralisation, il donne maintenant différents détails et précisions importantes concernant l'état de sacralisation. Il dit tout d'abord, hafidhahullah, que l'état de sacralisation, sa définition est l'intention d'entrer dans le rite. Et l'on est en état de sacralisation qu'à partir du moment où on a l'intention d'entrer dans le rite. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes ne valent que par leur intention ». Quant au fait de porter « al-izar » et « al-rida » sans avoir l'intention, cela n'est pas considéré comme un état de sacralisation. Mais cela est considéré comme une préparation à l'état de sacralisation. Ainsi, la personne fait l'intention avec son cœur d'entrer dans le rite qu'il souhaite accomplir. Et on avait vu précédemment, le cheikh avait cité, le cas où la personne a l'intention d'accomplir un rite, mais prononce la talbiya en disant un autre rite. Par exemple, celui qui a l'intention d'accomplir une umrah, d'accord ? Au moment du miqat, il a l'intention d'accomplir une umrah. Il dit, labbaik Allahumma hajja. Il dit, oh Allah, je réponds à ton appel en accomplissant un pèlerinage. Ici, qu'est-ce qui est pris en compte ? C'est ce que son cœur a décidé. C'est l'intention qu'il a eue qui est prise en compte et non pas ce que sa langue a prononcé. Donc, la personne fait l'intention avec son cœur d'accomplir le rite qu'elle souhaite faire. Si il a l'intention de faire le tamattu', alors il aura comme intention d'accomplir la umrah. S'il veut accomplir, s'il veut faire l'ifrad, alors son intention sera d'accomplir le pèlerinage. Et s'il veut faire le qiran, rassembler entre la umrah et le hajj, alors son intention sera d'accomplir le pèlerinage et la umrah. Ceci concerne la personne qui passe dans l'endroit même du miqat ou qui passe à proximité du miqat, que ce soit dans les airs, sur terre ou en mer. Et ceci pendant les mois du pèlerinage. Il faut que cette attention ait lieu pendant les mois du pèlerinage. Et les mois du pèlerinage sont le mois de Shawwal, le mois de Dhul-Qi'da et les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Le 10e jour n'étant pas inclus. Par contre, s'il passe à proximité des délimitations terrestres, des mawaqit, en dehors des mois du Hajj, alors dans ce cas, son intention sera d'accomplir uniquement la Umrah, car on ne peut pas accomplir le pèlerinage en dehors des mois du pèlerinage. Et la Umrah qu'il accomplira pendant ces mois qui ne font pas partie des mois du pèlerinage n'aura aucune relation avec le pèlerinage. Il ne pourra pas notamment considérer cette Umrah comme la Umrah du tamattu'. ثانيا يستحب له ان يتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة لحديث انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا رواه مسلم أو يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا لحديث جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة. Deuxièmement, il est recommandé de prononcer ce qu'il a eu l'intention de faire en disant la baika umratan ou la baika hajjan ou la baika umratan wa hajja. Je réponds à ton appel par une umrah, ou je réponds à ton appel par un pèlerinage, ou je réponds à ton appel par une umrah et un pèlerinage. Et ici, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, dit que cela est préférable, cela est recommandé de le prononcer. Autrement dit, que si tu ne le prononces pas, tu es en état de sacralisation, car tu as eu l'intention avec ton cœur. Et certains pèlerins qui oublient notamment de dire la baik Allahumma umratan ou la baik Allahumma hajjan au moment du miqat et s'en rappellent après. L'attention était là, mais il ne l'a pas prononcé. Il s'en est rappelé qu'après avoir dépassé le miqat. Certains disent, dès que j'arrive à la Mecque, il faut que je sacrifie un hadi? Nous lui disons non. On sacrifie une fidya lorsque l'on a délaissé une obligation et non pas une recommandation. La preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj qarinan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pèlerinage qarinan et il a fait la talbiya du pèlerinage et de la umrah. La preuve est le hadith de Anas radiyallahu an qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire labbayk umratan wa hajja. Jabir radiyallahu Anas radiyallahu anhu a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: je réponds à ton appel par une umra et un pèlerinage, rapporté par Muslim. Ou de dire: je réponds à ton appel, ô Allah, par une umra. Ou je réponds à ton appel, ô Allah, par un pèlerinage. Ou je réponds à ton appel, ô Allah, par une umra et un pèlerinage. Labbayk Allahumma umratan, ou labbayk Allahumma hajjan, ou labbayk Allahumma umratan wa hajja. La preuve est le hadith de Jabir radiyallahu anhu qui dit que nous sommes partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous disions labbayk Allahumma labbayk bil hajj. Nous répondons à ton appel, ô Allah, nous répondons par un pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de la transformer en umrah. Et l'on verra ce hadith par la suite. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons de changer par la suite et d'avoir l'intention d'accomplir une umrah? Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son sahih. Et l'on ne prononce pas ce que l'on a l'intention de faire en dehors du hajj et de la umrah. Cela est une exception qui concerne le pèlerinage et la umrah. L'intention ne se prononce pas, que ce soit pour le tawaf, pour le sa'i, pour la prière, la zakat, le jeûne ou toute autre adoration, car cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il y avait un bien dans cela, eh bien les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les pieux prédécesseurs de cette communauté nous auraient précédés à cela. ثالثا وله أن يشترط عند الإحرام فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيهما فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. Troisièmement, il est possible pour celui qui entre en état de sacralisation de poser une condition, de poser une condition au moment où il entre en état de sacralisation, en disant que si une chose m'arrête ou m'empêche, alors je serai désacralisé là où je serai empêché. فإن محلي حيث حبستني. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé chez Duba'ata bint Zubayr ibn Abd al-Muttalib et elle lui a dit: ô envoyé d'Allah, je veux accomplir le hajj mais je suis malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: accomplis le pèlerinage et pose comme condition que je me désacraliserai là où tu m'auras stoppé. Si elle fait le hajj par exemple, elle dit: ô Allah, labbayk Allahumma hajjatan wa anna mahilli haythu habastani fa in habasani habis fa mahilli haythu habastani. Ô Allah, je réponds à ton appel par un pèlerinage, et si une chose venait à m'empêcher de l'accomplir, alors je me désacraliserai ou je serai désacralisé là où tu m'auras arrêté. Le hadith est authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quel est le bénéfice de dire à l'ishtirat, de conditionner? Le bénéfice est que celui qui a conditionné, a posé cette condition au moment où il entre en ihram, en état d'ihram, s'il n'a pas par la suite la possibilité d'accomplir son pèlerinage ou sa umrah, que ce soit à cause d'une maladie, ou que ce soit par exemple à cause d'un accident de voiture, ou s'il est empêché de continuer son pèlerinage ou sa umrah, alors il sera désacralisé dans l'endroit où il aura été arrêté et stoppé, et il n'aura rien à accomplir. Il n'aura rien à accomplir. Quant à celui qui n'a pas posé la condition, eh bien, il devra sacrifier une bête. Il devra sacrifier une fidya. Rabi'an, wa in kana ihramuhu min dhil hulayfa, miqat ahl al madina, فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة رواه البخاري والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة رواه البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة وساق حديث أنس رضي الله عنه المشتمل على ذلك وقال الحافظ في شرحه وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. Quatrièmement, lorsque le pèlerin, le mu'tamir ou le pèlerin, celui qui a accompli le pèlerinage, fait son ihram depuis le miqat de Dhul Hulayfa, le miqat des gens de Médine. Alors, il lui est recommandé de prier avant d'entrer en état de sacralisation. Soit de prier une prière obligatoire, soit une prière surérogatoire, puis d'entrer en état de sacralisation après cela. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui rapporte de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire lorsqu'il était dans la vallée de l'Aqiq. » Et la vallée de l'Aqiq, c'est là où se trouve le miqat de Dhul Hulayfa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Atani laylata atim min rabbi » est venu à moi la nuit passée un émissaire de mon Seigneur, de la part de mon Seigneur. Et Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, dans son livre Fath al-Bari, dit que celui qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam était Jibril alayhi salam. Et lui a dit, prie dans cette vallée bénie et dis une umrah dans un pèlerinage rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, Jibril alayhi salam lui a dit, prie dans cette vallée bénie. Pris dans cette vallée bénie. Donc celui qui se rend au miqat de Dhul Hulayfa, il arrive au moment où il y a une prière obligatoire, prière de Dhuhr ou de l'Asr ou autre, eh bien il prie cette prière obligatoire et ensuite il entre en état de sacralisation. Il sera considéré comme avoir prié dans cette vallée bénie. S'il arrive dans un moment où il n'y a pas de prière obligatoire, entre deux prières obligatoires par exemple, alors il accomplira deux unités de prière. Et ces deux unités de prière ne sont pas considérées comme des unités de prière de l'Ihram. Car certains pensent qu'il y a deux unités de prière que doit accomplir celui qui souhaite entrer en état de sacralisation, quel que soit le miqat dans lequel il se trouve. Ceci est une erreur. Le fait de prier deux unités de prière avant l'ihram est une exception, est un cas particulier qui concerne le miqat de Dhul Hulayfa uniquement, et ces deux raka'at ne sont pas liées à l'état de l'ihram, à l'état de sacralisation, mais on les accomplit car c'est une vallée bénie. Et il lui a dit, accomplis et dis une umrah dans un pèlerinage. Autrement dit, le qiran. Et le mieux est d'entrer en état de sacralisation lorsque le pèlerin, lorsque le mu'tamir ou le pèlerin est installé sur son moyen de locomotion. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est entré en état de sacralisation lorsque il est monté sur sa chamelle, sallallahu alayhi wa sallam, et que sa chamelle s'est levée. Lorsque l'on monte sur une chamelle, on monte dessus lorsqu'elle est assise. Et ensuite, elle se lève. Et c'est lorsqu'elle s'est levée que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est entré en état de sacralisation. Et dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il y a un chapitre qui est intitulé le chapitre du fait de faire le tahmid ainsi que le tasbih ainsi que le takbir avant d'entrer en état de sacralisation lorsque l'on est installé sur sa monture. Et l'imam al-Bukhari cite ensuite le hadith de Anas radiallahu anhu qui prouve cela. On m'a dit que, et Al-Hafid ibn Hajar, dans son explication de Sahih al-Bukhari, a dit, et ce jugement, c'est-à-dire le fait qu'il est recommandé de faire le tasbih et ce qui est cité également dans ce hadith avant d'entrer en état de sacralisation, très peu citent cette sunnah alors qu'elle est authentique. Le fait de dire Subhanallah, walhamdulillah, wallahu, Akbar avant d'entrer en état de sacralisation. Cela fait partie, malheureusement, des sunan qui sont oubliés et délaissés à notre époque. Et juste un ajout par rapport au fait d'entrer en état de sacralisation. La sunna également est de se diriger en direction de la Qibla, au moment où on entre en un état de sacralisation, de se diriger en direction de la Qibla, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'imam Bukhari, selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Khamisan, wa la yatajawazul miqatu bighayri ihram, li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, lamma haddada al-mawaqit, قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة الحديث وقد تقدم في بيان المواقيت. Cinquièmement, il est interdit de dépasser le miqat sans être en état de sacralisation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a défini ces différentes délimitations terrestres, il a dit, elles appartiennent ou elles concernent les habitants qui y ont été associés. Et tous ceux qui passent par ces délimitations, même s'il ne fait pas partie de ces habitants, pour celui qui souhaite accomplir le pèlerinage ou la umrah. Et ce hadith a été cité précédemment lorsque Cheikh Al-Abed, hafidhahullah, a détaillé les différents mawaqit, délimitations terrestres. Donc celui qui a dépassé le miqat, alors qu'il veut accomplir, celui qui a dépassé le miqat sans être en état de sacralisation pour accomplir un hajj ou une umrah, il y a deux cas qui se proposent à lui. Soit il retourne au miqat et entre en état de sacralisation depuis celui-ci. Il fait demi-tour, il retourne au miqat et il fait l'ihram depuis ce miqat. Ou bien, il décide de continuer en l'état et il est considéré comme étant en état de sacralisation, car on a dit que le fait d'être en état de sacralisation depuis le miqat fait partie des obligations et non des piliers. Donc, il est en état de sacralisation, mais il devra sacrifier une bête à la Mecque et il devra distribuer la viande aux pauvres de la Mecque. Sadisan, ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام لأنه ميقاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وقد تقدم. Sixièmement, celui qui habite dont la maison est entre le miqat et la Mecque. Entre le miqat et la Mecque. Par exemple, celui qui habite entre la Mecque et Médine. Donc il est entre la Mecque et le miqat de Dhul-Hulayfa. Alors, il devra entrer en état de sacralisation depuis sa maison. Et il ne devra pas dépasser sa maison sans être en état de sacralisation. Il ne devra pas dépasser sa maison sans être en état de sacralisation, car pour lui, son miqat, c'est sa maison. Car pour lui, son miqat, c'est sa demeure. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a défini les différents mawaqit, les différentes délimitations terrestres, et qu'il a ordonné d'entrer en état de sacralisation depuis ces endroits, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui se trouve en deçà, celui qui se trouve en deçà du miqat, c'est-à-dire entre le miqat et la Mecque, alors il entrera en état de sacralisation de l'endroit où il se trouve, même les gens de la Mecque depuis la Mecque. سابعاً وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة وأما إحرامهم وإحرام من فيها من غيرهم بالعمرة فيكون من الحل لحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم رواه البخاري ومسلم وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم كما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم. Septièmement, l'état de sacralisation pour les gens de la Mecque pour accomplir le pèlerinage aura lieu depuis la Mecque. Quant au fait pour eux, aux habitants de la Mecque et ceux qui se trouvent à la Mecque et qui ne font pas partie de ses habitants lorsqu'ils veulent accomplir une umrah, alors ils devront sortir à l'extérieur de la terre sacrée pour entrer en état de sacralisation afin d'accomplir la umra. La preuve est le hadith de la umra qu'a accompli Aïcha radiallahu anha qui se trouvait à la Mecque après avoir accompli le pèlerinage. Or, Aïcha radiallahu anha habitait à Médine. Et lorsque elle a voulu accomplir une umra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé d'aller accomplir sa umra après le pèlerinage et à se rendre à At-Tan'im, qui ne fait pas partie de la terre sacrée. At-Tan'im fait partie de Al-Hil, c'est-à-dire que c'est un endroit qui se trouve à l'extérieur de la délimitation de la terre sacrée. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le fait que les gens de la Mecque entre en état de sacralisation pour une umra depuis l'extérieur de la terre sacrée permet de faire en sorte qu'ils rassemblent entre la terre sacrée et la terre non sacrée pendant leur umra. Pareil, lorsqu'ils font l'ihram depuis la Mecque, qui est une terre sacrée, Cela leur permet, pendant le pèlerinage, de se rendre à la fois à la terre sacrée et en dehors de la terre sacrée. Car le pèlerin doit se rendre à Arafat. Cela est un pilier du pèlerinage. Or, Arafat fait-elle partie de la terre sacrée ou non? Non. Arafat est en dehors de la délimitation de la terre sacrée, de la délimitation de la terre sacrée. Donc, le fait que les gens de la Mecque font l'ihram pour accomplir le pèlerinage depuis la Mecque leur permet, pendant leur pèlerinage, d'être dans la terre sacrée comme en dehors de la terre sacrée. Et pour la Umra, donc le fait qu'ils soient amenés à sortir de la terre sacrée pour entrer en état de sacralisation afin d'accomplir la Umra, leur permet de réunir entre les deux terres, la terre sacrée et la terre non sacrée, pendant la Umra et également pendant leur pèlerinage. Faminan, wattamattu'u, هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فيأتي بأعمال الحج وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهذا الدم الواجب على المتمتع ومثله القارن دم شكران لا دم جبران والمعنى أنه شكر لله على أداء نسك الحج والعمرة في سفر واحد وليس جبرا لنقص قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر يقول قرنا ولا خلاف أنه ساق هديا والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره وعليه هدي كالمتمتع والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. Puis il parle, hafidhahullah ta'ala, de l'état de sacralisation concernant les différents rites. Il dit, hafidhahullah, concernant le tamattu', c'est le fait d'entrer en état de sacralisation pour accomplir la umra depuis le miqat, et ceci pendant les mois du hajj. Ensuite, il accomplit le tawaf, les allées-venues entre As-Safa et Al-Marwa, le Sa'i, et il se rase ou se raccourcit les cheveux. Ainsi, il se désacralise. Donc le mutamati' accomplit d'abord une umra complète. Ensuite, il se désacralise. Puis, il entre une nouvelle fois en état de sacralisation, mais cette fois-ci pour accomplir le pèlerinage, le huitième jour de Dhul-Hijjah. Et il accomplira ainsi les différents rites et les différentes actions du pèlerinage, les différentes œuvres du pèlerinage. Et il devra sacrifier un hadi qui est soit une brebis ou un mouton, soit le septième d'une chamelle ou d'un chameau, soit le septième d'une vache ou d'un bœuf. Et celui qui n'a pas la possibilité, celui qui n'a pas la possibilité de sacrifier un hadi, alors qu'il est mutamattir, alors il devra jeûner 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours lorsqu'il rentrera chez lui. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 196 de Sourate Al-Baqarah, où il dit Azza wa Jal selon le sens, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la Umrah. Donc quiconque s'est désacralisé. Donc, et a profité de ce moment de désacralisation après avoir accompli la Umrah en attendant le pèlerinage. Doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la maison sacrée. Et ce hadi, qui est une obligation pour le mutamattir et également pour le qarin, est une bête qu'il sacrifie en guise de reconnaissance. Et ce n'est pas une bête qu'il sacrifie pour combler un quelconque manque. C'est une bête que l'on sacrifie, qu'il sacrifie en guise de reconnaissance à Allah Azza wa Jal. Reconnaissance vis-à-vis de quoi? Tu remercies Allah Azza wa Jal pour quoi? Pour t'avoir permis d'avoir accompli à la fois une umrah et un pèlerinage dans un seul et même voyage. Dans un seul et même voyage. Ce n'est donc pas une bête que tu sacrifies pour combler un quelconque manque. Al-Imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans l'explication, dans son tafsir, lorsqu'il explique la parole d'Allah Azza wa Jal, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la umrah en attendant le pèlerinage doit faire un sacrifice qui lui soit facile. Il dit, rahimahullah, Al-Imam Ibn Kathir, c'est-à-dire lorsque vous avez eu la possibilité d'avoir accompli les rites, celui parmi vous qui était mutamattir, qui a accompli la umrah, il a le hajj. Et ici, التمتع, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, فَمَنْ تَمَتَّعَ, cela englobe à la fois le tamattu' et le qiran. Cela englobe à la fois le tamattu' et le qiran. Donc cela englobe celui qui a fait l'intention d'accomplir la umrah et le hajj en même temps, donc le qiran, ou celui qui a fait une umrah tout d'abord, puis lorsqu'il a terminé cette umrah, est rentré en état de sacralisation une seconde fois, cette fois-ci pour accomplir le pèlerinage. Car le tamattu' en faisant la umrah, puis le hajj, est considéré comme un tamattu' khas. C'est un tamattu' particulier. Et c'est ce qui est connu chez les juristes, chez les fuqaha. Lorsque les fuqaha utilisent le terme tamattu', ils veulent dire celui qui a fait la umrah, puis ensuite a fait le hajj. Il y a un tamattu' al-am, comme celui cité dans le verset de Sourate Al-Baqarah. فَمَنْ تَمَتَّعَ. Cela est un tamattu' am, général, qui englobe à la fois le tamattu' où l'on fait la umrah, puis le hajj, et le qiran dans lequel on fait à la fois la umrah et le hajj. Comme cela est prouvé dans des hadiths authentiques. Car certains rapporteurs disaient « Tamatta'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » et d'autres disaient « Qarana » et il n'y a aucune divergence sur le fait que ces deux formes de pèlerinage, eh bien, il leur est obligatoire de sacrifier al-hadi. Donc le fait que certains rapporteurs disaient tamatta'a Rasulullah, alors que le prophète sallam a fait le qiran. Donc ici il a utilisé le mot tamattu', mais dans son sens général. Et d'autres rapporteurs disaient qarana Rasulullah sallam, c'est-à-dire qu'il a associé la umra au hajj. Donc ici Cheikh Al-Abed a défini les actes du mutamatti'. Ensuite, il explique le qarin. Le qarin entre en état de sacralisation pour accomplir une umra et un hajj en même temps. Donc lorsqu'il arrive au miqat, il dit labbayk Allahumma umratan wa hajja. Lorsqu'il arrive à la Mecque, il fera le tawaf, tawaf al-qudum. Puis il fera le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa. Et il restera en état de sacralisation jusqu'au jour du Nahr, jusqu'au jour de Al-Eid, Eid al-Adha, le dixième jour de Dhul-Hijjah. Il se désacralisera, il sera désacralisé après avoir lapidé la grande stèle et après avoir rasé ses cheveux ou les avoir raccourcis, et il aura un hadi à sacrifier comme le mutamattir. Il aura un hadi à sacrifier comme le mutamattir. Le hadi est une bête qu'il sacrifie en guise de reconnaissance pour Allah Azza wa Jal, car le qarin a lui aussi accompli une umra et un hajj en même temps. Après avoir lapidé la grande stèle et avoir, comme on l'a dit hier, avoir fait deux rites au minimum. Mais ici, Cheikh Al-Abed donne l'exemple de le fait de lapider la grande stèle et de se raser les cheveux. Tahallul Asghar. Naam. Tayyib. Wal Mufrid. Concernant le mufrid, celui qui accomplit le pèlerinage seul. Une fois arrivé au miqat, il dira « labbayk Allahumma hajjan » car il a l'intention d'accomplir le pèlerinage seul. Et il fera exactement comme le qarin. Il fera exactement comme le qarin. Lorsqu'il arrivera à la Mecque, il fera « tawaf al-qudum ». Ensuite, il fera le sa'i. Sans entrer dans les détails, si le sa'i, il peut le faire après tawaf al-qudum ou bien après tawaf al-ifada. Sauf que al-qarin, il a un hadi à sacrifier et le mufrid n'en a pas. Donc les actes qu'accomplit le qarin, celui qui fait la umra et le hajj en même temps, et le mufrid, celui qui fait le hajj tout seul, sont exactement les mêmes. Il y a deux différences. La première, l'intention. L'un, l'intention de faire la umra et le hajj en même temps, et l'autre, l'intention de faire le hajj tout seul. Et la deuxième différence, c'est le hadi. L'un a un hadi à sacrifier qui est le qarin, et l'autre n'a pas de hadi à sacrifier qui est le mufrid. تاسعاً وأفضل الأنساك التمتع لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بحج ومنهم من أحرم بحج وعمرة ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارناً أو مفرداً ولم يكن ساق هدياً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على إحرامه فراجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت رواه البخاري ومسلم من حديث جابر. Neuvièmement, il dit, حفظه الله, que la meilleure des formes des rites du pèlerinage est le tamattu'. entre Al-Qiran, Al-Ifrad et Al-Tamattu', la meilleure des formes de ces trois est le Tamattu'. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont accompli le pèlerinage avec lui sallallahu alayhi wa sallam en sa compagnie, certains parmi les compagnons, lorsqu'ils sont partis de Médine, certains ont eu l'intention d'accomplir la Umrah. D'autres ont eu l'intention d'accomplir le Hajj. Et d'autres ont eu l'intention d'accomplir le Hajj et la Umrah. Autrement dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage, les compagnons qui l'ont accompagné, radiallahu anhum, certains ont eu l'intention d'accomplir la Umrah dans le but de faire le Tamattu'. D'autres d'accomplir le Hajj dans le but d'accomplir l'Ifrad. Et d'autres de faire le Hajj et la Umrah, c'est d'accomplir le Qiran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Qarina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Qarina. Lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ceux qui avaient l'intention d'accomplir le Qiran et à ceux qui avaient l'intention d'accomplir l'Ifrad et qui n'ont pas apporté le Hadi avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté le Hadi avec lui. Le Hadi de Al-Qiran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a apporté avec lui de Médina à la Mecque. Et il n'était pas le seul à avoir fait cela, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois arrivé à la Mecque, il a dit à ses compagnons que ceux qui sont Qarin ou ceux qui sont Mufrid et qui n'ont pas apporté avec eux depuis Médine, qui n'ont pas apporté avec eux leur Hadi, de changer leur ihram en une umrah. Et donc, de faire lequel des trois rites? Le tamattu'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dirige que vers ce qui est le mieux et le plus complet. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons de changer leur intention et d'accomplir la Umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les dirige vers ce qu'il y a de mieux à faire. C'est que ce qu'il leur propose de faire est mieux que ce qu'ils avaient entrepris initialement de faire. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Qarin et qu'il a apporté avec lui son Hadi, il est resté en état d'ihram. Et ça, on verra cette mas'ala, ce sujet, par la suite, le jugement de celui qui apporte avec lui son hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté avec lui son hadith. Donc, il est resté en état de sacralisation. Pour cela qu'il a posé comme condition, pour changer l'intention, que ceux qui n'ont pas apporté avec eux le hadith. Et les compagnons, radiallahu anhum, ont repris le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cela. Ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, mais toi, tu restes Qarin. Tu demandes à ceux qui sont Qarin et Mufrid de changer leur attention à Umrah, alors que toi, tu restes Qarin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, min amri, ay law alimtu fi qabl, mastadbartu, ay ma alimtuhu fi duburi, minhu fi duburi minhu. Professeur Sam a dit, si je savais auparavant ce que j'ai su après, je n'aurais pas apporté avec moi le hadi. Et s'il n'y avait et si ce n'était ce hadi, la ahlalt, je me serais désacralisé pour rentrer une nouvelle fois en état de sacralisation afin d'accomplir le tamattu', afin d'accomplir la umrah. Et c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Jabir radiyallahu ta'ala an. Wa naktafi bihada al-qadr wa wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.